Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block. 1670 Boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-80. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. On va parler de soccer, c'est la revue de l'année du monde du soccer avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au 5-Saint-Jean. Salut Benoît! Salut Danny, salut Benoît Radio Sport! Benoît, est-ce pas ça beau réveillon de Noël? Yes, ben oui, écoute, on est en mode vacances, permettant, c'est ça. On se repose, puis il y a des soirées, des affaires, des rencontres familiales. T'es toujours en vacances de toute façon. Benoît! Si on y allait avec, tu l'as tracé maintenant en mois, ta rétrospective, donc en mois de mars, ça a été le début de la saison pour l'Impact de Montréal. C'était un début de saison très, très difficile. Bon, on va se rappeler, Danny, que le staff de l'Impact n'avait pas fait beaucoup de changements en espérant... belle saison parce qu'on venait de terminer, on va se rappeler qu'on venait de terminer quand même en demi-finale d'association, en demi-finale de Coupe MLS l'année d'avant, je dirais en 2016. L'Impact avait quand même eu une très très belle fin de saison. On se rappelle leur défaite contre Toronto là, en fin de match. Alors probablement qu'on pensait faire une bonne saison 2017, mais on n'a pas fait beaucoup de changements. On a continué avec le même staff de joueurs aussi. Et ça a été difficile en début de saison. Donc, ça a commencé difficilement pour l'Impact et on connaît la suite par après, tout ce qui s'ensuit par la suite. Alors, on s'est pas rendu en finale, en série. Alors, des défaites. Et un début de saison laborieux pour l'Impact. On va se rappeler quand même une défaite très serrée en finale du championnat canadien contre Toronto au mois de mai. Alors, on avait annulé 1-1 à Montréal et on est allé perdre à Toronto 2-1 en temps supplémentaire et on connaît le parcours de Toronto en 2017. OK. Et par la suite, donc, ça a été une saison quand même... ça a été difficile par la suite pour l'Impact de Montréal après un début de saison très, très difficile. On va y aller maintenant du côté du mois de mai également, la Ligue des champions. L'Europe, deuxième titre consécutif du côté des Ligues des champions et le douzième également pour une des grandes équipes, le Real Madrid. Ben, depuis deux ans, c'est l'équipe qui remporte la Ligue des champions. Tu sais, depuis des années, là, deux titres consécutifs, c'est rendu très, très, très rare en Ligue des champions. On sait comment de rendu relevé. On sait que c'est toujours pas même les mêmes clubs qui se retrouvent dans le carré d'or, dans les quarts de finale. Depuis quelques années, on retrouve le Paris Saint-Germain parce que on a mis beaucoup d'argent sur la table pour aller chercher de gros noms. Encore cette année, on va en parler tout à l'heure. Mais oui, le Real Madrid a remporté un 12e titre à Ligue des Champions. C'est quand même le plus gros titré en Europe. Et puis deux consécutifs. Et on sait par la suite, dans l'année, on va en reparler plus tard un peu. Ils sont allés chercher la Coupe du Monde des clubs. Ils ont battu la Juventus de Buffon 4-1 en finale. Quand même surprenant de voir encore la Juventus avec Buffon qui se retrouve encore dans les finalistes. Donc oui, Real Madrid, l'équipe de l'année en 2017. OK. Donc, du côté de l'Italie, parce que le mois de mai, c'est toujours la fin des championnats européens. L'Italie, la Juventus Turin, 6e titre consécutif et 33e en Serie A. Oui, si tu veux qu'on parle un petit peu des gros ouais. Des gros championnats européens, des cinq, comme moi, qu'on met un peu, que la planète foot prend un peu les cinq gros, les gros championnats européens. Oui, 33e titre et 6e consécutif pour la Juventus de Turin. Comme je te dis tantôt, Buffon qui, je crois, va mettre un terme à sa carrière en fin d'année. On va se rappeler en Italie la déception de l'équipe nationale, par contre, et une grande déception pour la fin de carrière de Buffon aussi. Un grand de la peine qui va se retirer cette année, mais il faut quand même les féliciter pour leur 33e titre en Serie A italienne. Depuis quelques années, c'est la Juventus qui domine ce championnat-là. On ne voit plus là, depuis quelques années l'AC Milan, l'Inter de Milan, qui sont quand même deux grands clubs de football italien qu'on ne voit plus ou presque plus depuis quelques années en Ligue des Champions non plus. On a aussi par contre le club de Napoli qui remonte de plus en plus avec l'AS Roma, qui sont les autres clubs qui suivent un peu le Juventus. Il y a l'Inter cette année qui a repris un peu du galon un peu en championnat italien, mais on sait d'admettre que depuis 6 ans, c'est le Juventus. Et ils sont encore présentement en première ou deuxième position, je crois, là, dans le championnat italien. Là. OK. Du côté de l'Angleterre, ça c'est le deuxième titre, probablement le deuxième championnat en importance après celui, moi je pense, de l'Espagne. L'Angleterre, Chelsea, 6e titre, et Manchester United, 20e titre. Ça doit être... La Coupe du Président, ça, c'est ça? En fait, moi, je l'ai mis un peu entre parenthèses. Manchester United est le meneur en Angleterre. Ah, OK, c'est ça, OK. Et en Angleterre, c'est ça que je... Allô? Oui, je t'entends bien. OK, alors c'est ça que je te disais, mais Manchester United 28, pour te montrer la différence, celle-ci qui est arrivée un petit peu bien après dans le terme historique du club, là, qui a quand même rapporté un 6e titre avec l'entraîneur Conte. Donc, cette année, ils sont encore à 2e ou 3e au championnat. Cette année, en 2017, là, c'est le Manchester City qui domine là, avec Pep Guardiola qui est là comme entraîneur. Donc, oui, Chelsea, une belle saison en Angleterre, comme tu dis, un peu après la Liga, mais quand tu regardes les 20 clubs un peu à chaque semaine, hier, je regardais Manchester United qui a marqué un arrêt de jeu là, contre une équipe qui est de dernière position en Angleterre, à Manchester. Mm-hmm. On sait que pendant la période des fêtes, il y a beaucoup de matchs là, de la série anglaise. OK. Maintenant, l'Allemagne, du côté de l'Allemagne, 5e titre national pour l'Allemagne avec le Bayern Munich. 5e titre consécutif pour le Bayern. Ouais. 27e titre du club. Alors là, on est en train de nommer les gros canons européens, si tu veux, le Bayern, avec encore ses vétérans, Robben et Ribéry, qui sont encore là, mais on sait d'admettre qu'ils ont des jeunes là qui ont avec Lewandowski, qui a fini meilleur marqueur, ils ont terminé première position devant le Borussia Dortmund, qui est toujours un peu le Canadien nordique de la Ligue Allemagne dans le temps. On parle du Barça avec Real Madrid, le Classico, mais quand on va en Allemagne, on va parler beaucoup de Bayern et le Borussia Dortmund, donc encore le Bayern qui se sauve avec le titre, et encore cette année, il semble se sauver pour un 6e consécutif et peut-être un 28e titre en Allemagne. OK. Par la suite, du côté de la France, le Monaco, 8e titre et le PSG, 4e suite de départ et 4 de suite et ensuite le départ de Zlatan Slavovic. Il faut savoir que Zlatan a parti, ils ont remporté, comme je te le dirais tantôt, le championnat français s'est relevé un petit peu au niveau de monétaire parce qu'on a un propriétaire milliardaire qui est arrivé depuis... Qui vient du Qatar, je pense, hein? bien du Qatar exactement. Ouais. Une grosse surprise de voir Monaco remporter ce championnat, mais Monaco ont quand même beaucoup de budget. Ils sont allés rechercher Falcao qui a fait une grosse saison. Et il faut parler du jeune là, qui est en train de devenir, un jeune en devenir, qui a été prêté après le grand transfert de Neymar. On va se rappeler le transfert de l'été passé, le transfert présentement qui est le record présentement. On est allé chercher en prêt Mbappé, qui est un jeune qui devrait être en Russie l'année prochaine. Il devrait être avec l'équipe de France. Il a terminé avec l'équipe de France depuis la saison. Didier Deschamps l'a fait jouer avec l'équipe de France. Alors, c'était la grosse surprise en France de voir le Monaco qui est allé chercher un 8e titre. Et moi, quand je te disais, Catherine, le PSG avait remporté les 4 auparavant avec Zlatan, qui est rendu avec Manchester United. Alors, c'est pour ça que cette année, bien, le Monaco est encore dans les 2-3e positions au niveau du championnat français. Mais c'est le PSG avec Neymar et Mbappé ont repris la première position là, dans la fin de saison, dans la première partie du championnat français en fin 2017. Là. OK. Il y a eu une belle visite à Alma, à espacesoccer.com. Et Espace Soccer, c'est la visite de José Bélanger qui a été... je pourrais dire une des révélations de la Coupe du Monde, c'est quoi? C'était en 2014 au Canada. C'était une belle révélation. Elle a gagné la médaille de bronze et je pense que les jeunes ont bien apprécié. Oui, Danny, juste avant, on a fait le tour des championnats, mais en Espagne, on a dit le Real Madrid, okay. La Ligue des champions, mais ils ont quand même gagné un 33e titre en Liga. C'est pour ça que je l'avais mis en dessous. Okay. Alors, le Barça a 24 titres en Liga espagnole. L'Espagne, le Real Madrid en a 33. Alors, c'était pour te dire un peu, ils ont devancé le Barça en deuxième position. Alors, Zidane a remporté son premier championnat espagnol, en plus de la Ligue des champions, deuxième consécutif. On avait oublié d'en parler un petit peu. Mais oui, pour te ramener à José Bélanger, la grosse visite pour notre... C'est un peu un moyen de financement qu'on a fait avec nos jeunes de notre soccer, alors qu'on va à Madrid cette année. Oui, José Bélanger qui a remporté la médaille de bronze avec le Canada aux Olympiques. Donc, des joueurs de soccer canadiens qui ont remporté, des Québécois qui ont remporté des médailles aux Olympiques, on va se dire, Danny, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûrement pas au niveau masculin qu'on a vu ça. Et pour le Canada, c'est une deuxième médaille de bronze. Oui, il avait eu un beau parcours en 2015 à la Coupe du Monde au Canada, mais ça a été une très belle rencontre ça, avec José Bélanger. Elle a fait un petit atelier technique dans l'après-midi avec une trentaine de jeunes. Et en soirée, elle a fait une conférence là, avec les parents de ces jeunes-là. Puis tout ça, ça fut très intéressant. OK. Par la suite, ça, c'est un autre beau voyage des jeunes d'Alma. Voyage à Madrid. Il y a eu des ateliers, et ça, c'est des techniques et la conférence également. Oui, pour moi, ça, c'est bon. Au niveau régional, si tu veux. Comme je t'ai dit, je t'ai envoyé un petit peu un portrait de la saison, la planète foot, alors qu'on touche à l'Impact, la MLS, et un petit peu des éléments à Saguenay-Lac-Saint-Jean, si tu veux. OK. Record de transfert d'après moi, c'était le fait saillant de l'année. C'est le record de transfert sur la planète foot. Neymar, ça, c'est la nouvelle de l'année, selon moi, 222 millions d'euros. Et par la suite, le PSG qui veut remporter le titre de la Coupe de France sont allés chez Mbappé également. Oui, bien, record, ça a été un gros dossier, on peut se rappeler. Maintenant, on pensait que ça va se faire, que ça ne se fera pas. Le championnat espagnol ne voulait pas non plus essayer de barrer la route à ce transfert-là. 222 millions d'euros, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Le salaire aussi à Neymar qui est très, très gros, je pense 30-35 millions d'euros. Ça a été l'actualité là, de la période morte là, de cet été. Et là, ça commence à bouger. Là. Il y a eu d'autres gros transferts à travers ça aussi. Mais c'est pour ça que je t'ai mis quand même en haut, en tête de liste, celui de Neymar. Je te dirais présentement, Neymar, il y a encore Ronaldo et Messi qui sont là, mais Neymar, avec la question qui s'en vient en 2018, j'ai hâte de voir si Neymar va être capable d'aller chercher là, d'aller chercher Ronaldo et Messi, qui sont encore le numéro 1 et 2, si tu veux. Là. Alors, vice-versa, si tu veux, Messi ou Neymar, selon ce que tu aimes mieux comme profil de joueur. Et moi, je pense que c'est la Neymar a fait un beau bel début de saison. Il y a eu un petit peu d'embrouille avec Cavani, l'Uruguayen qui joue avec le PSG depuis quelques années. J'ai hâte de voir. Je crois que ça s'est arrangé. Il a fallu que l'entraîneur s'en mêle un petit peu. C'est sûr qu'il y a des grosses têtes de même qui se retrouvent dans un gros club comme ça, dans un club comme ça. On doit le staff de coach doit s'en mêler un petit peu. Il y a eu un petit problème au mois d'octobre, je crois, là, sur un coup franc ou sur un penalty. Cavani voulait tirer le péno, Neymar voulait tirer aussi. Les deux se sont ostinés un petit peu. C'est Dani Alves, l'autre Brésilien qui s'en est mêlé, qui a pris le ballon qu'il l'a donné à Neymar. En tout cas, toute une histoire. Ça va être intéressant de voir l'équipe du Brésil à la prochaine Coupe du Monde. J'ai bien hâte de voir ça. Et aussi, on va se rappeler qu'au mois de février prochain, en Ligue des Champions, on va avoir un super match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en huitième de finale. Ça va être tout. Déjà, les joueurs commencent à en parler déjà. Tantôt, tu as parlé de Neymar et Mbappé. On est allé les chercher pour le championnat français, mais c'est pas le championnat français qu'on vise. Oui, c'est la Ligue des Champions. Vise la Ligue des Champions. Ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Et c'est sûr que les gens en Europe, les gens dans le monde ont été outrés de voir ce gros chiffre-là de 222 millions d'euros. Mais quand tu regardes tous les gros clubs en Europe, Barcelone, Real Madrid, ils ont tous fait des gros transferts d'argent comme ça. Et là, on est rendu à ce montant-là. Mais ils l'ont tous fait. Et aujourd'hui, tu vois, ils se vantent d'avoir des titres, mais je veux dire, le Paris Saint-Germain essaie d'en gagner un au niveau européen. Et j'ai hâte de voir le rendez-vous du mois de février prochain. OK. Le mois de juillet également, deux décisions quand même au mois d'août. Le Chinook de Chicoutimi en U16 qui accède au 3 l'an prochain. Ça, c'est une belle nouvelle pour l'avancement du soccer dans la région. Oui, le Chinook de Chicoutimi, c'est une équipe qui ne s'est pas préparée comme ça à la dernière minute. C'est une équipe qui s'est préparée depuis 2-3 ans. On a des jeunes qui sont retrouvés là, sont partis. On a même fait appel à d'autres clubs de la région pour augmenter le niveau de cette équipe-là. Et ils ont terminé en première position. Ils ont participé à la Coupe des promotions. C'est cette Coupe-là qui leur a permis pour l'an prochain de jouer dans le 3A. C'est la deuxième équipe de la région qui jouera dans un niveau 3A. Provincial. On a eu une équipe de Chinook qui avait déjà eu une équipe à un moment donné de U16 féminin. Je me souviens qu'il avait eu une saison difficile lorsqu'ils avaient joué en 3A. Mais là, on parle masculin. Au niveau masculin et masculine, c'est la première équipe qui va jouer au niveau 3A. Donc, on doit féliciter ce club-là. Et forcé d'admettre que, oui, c'est tous des joueurs qui ont été formés au club, mais le club fait appel quand même à de jeunes joueurs de d'autres clubs pour leur permettre d'augmenter le niveau, comme je t'ai dit. Alors, j'ai hâte de voir la saison de ce club-là l'an prochain en catégorie U16 en 3A masculin. Ça va être intéressant de voir ça. Mauvaise nouvelle également, le Soccer Dome qui a été sur un projet que le 4-5 ans qui était, c'est au moins 4-5 ans que ça traînait, ben on a appris une mauvaise nouvelle, c'est que le projet a été abandonné. Il faut dire aussi qu'il y a un des promoteurs, puisqu'il était 4 là-dedans, il y en a un qui est décédé, puis ça n'a pas aidé non plus. Non, ça n'a pas aidé, puis mais cette saga-là, c'est une saga, ça devient une saga d'amis. Écoute, on va s'amener la dernière élection, mais voilà 4 ans, la dernière élection du maire Tremblay, il avait promis aux gens de la ville de Saguenay qu'il allait avoir un dôme de soccer à Saguenay. Il a été élu. Pas longtemps après, il a annoncé sur un YouTube disant qu'il allait avoir ne pas lâcher, qu'il avait trouvé un endroit, le projet privé. Je crois que la ville, après ça, a embarqué dans ce projet privé-là. Ça les a libérés un peu de le faire eux-mêmes. Oui, dans les régions, l'idéal, c'est d'avoir un projet privé comme ça, mais il y a des régions que la ville est partenaire aussi, participe à ce projet-là. Là, la façon que la ville participait, c'était de s'engager à faire des locations avec le club de Chicoutimi, faire des locations, même le club Saguenay, le club de Jonquière, à faire des locations de gymnase au niveau du dôme de soccer. Mais là, maintenant, ça a été abandonné. Il y a eu une première perspective qui a été faite, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Et là, maintenant, est-ce qu'on aura... Et j'ai comme l'impression qu'avec le nouveau conseiller à Saguenay, qu'on connaît bien nous autres au niveau de tout ça, au niveau de toi que tu connais bien, que tu es collaborateur avec son émission dans le vestiaire à CKJ, et moi aussi comme collaborateur avec Espoir Soccer, j'ai l'impression que Michel a reçu le mandat un petit peu au niveau sportif dans son mandat, et j'ai l'impression que Michel va sûrement lancer d'ici peu, ça va être un de ses dossiers prioritaires sur ce dôme-là à Saguenay. J'ai bien hâte de voir la suite des choses en 2018, mais moi je crois fortement que Michel Tifo sera un porte-parole au niveau du conseil municipal de Ville-Saguenay à monter ce dossier-là, et que ce dossier-là finisse par exister quand on dit que Ville-Saguenay est une des plus grandes villes au Québec, et c'est la seule qui n'a pas encore son dôme de soccer dans ces grandes villes-là. Alors, à suivre. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ils ont l'air à pas avoir de l'argent. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. On va en parler certainement. Maintenant, si on y allait maintenant avec... j'ai perdu ce que tu vois. OK. Bon, qualification de la Coupe du Monde. Ça a été une très, très grande surprise. Beaucoup d'équipes, l'Italie, ça c'était une catastrophe, Pays-Bas, les États-Unis c'est une catastrophe également pour la MLS, Chili qui avait bien fait, qui sont les gagnants de la Copa América qui ne sont pas là, Cameroun et Côte d'Ivoire sont souvent, ils ont représenté souvent le continent d'Afrique, ne sera pas là, l'Argentine ça a tout pris, ça a pris une performance incroyable de Lionel Messi, donc ça sera une Coupe du Monde en 2018 avec de nouveaux arrivés. De nouveaux arrivés, de nouveaux arrivants, c'est toujours tannant de voir des pays comme tu viens de nommer qui sont pas là parce que l'Italie avait un petit peu de charisme dans la Coupe du Monde. En même temps, je te dirais, tu sais, on a parlé tantôt, il y a une chose qu'on a oublié un petit peu au mois de juillet dans notre bilan de l'année, c'est que les Allemands ont remporté la Coupe des Confédérations qui est un an avant la Coupe du Monde. C'est comme une coupe de préparation. La FIFA a créé cette coupe-là avec les champions. Je pense que c'est en 2000 qu'on a créé ça. On va se rappeler que les Allemands avaient battu le Chili en finale et l'Allemagne avait son équipe B. Les Allemands ont gagné aussi l'Euro U-1000 de U21, je crois. Donc, j'ai hâte de voir la sélection de l'Allemagne lors de Russie 2018. Mais oui, pour revenir aux qualifications, c'est des qualifications qui durent longtemps. Hein. Ça dure 2 puis 3 ans, ces qualifications. Donc, l'Euro est fini. Pour l'Europe, ça dure 2 ans. Pour l'Amérique du Sud, ça fait déjà, on a 10 pays, on joue un match contre chaque nation, à l'extérieur et à la maison, ça fait 18 matchs, ça dure 2 ans et demi, 3 ans, ces qualifications-là. Aux États-Unis, le CONCACAF avec nous, on parle de changer la formule de qualification pour permettre justement que ça dure plus longtemps, que le Canada puisse avoir une chance peut-être d'avoir plus de matchs de sa sélection nationale. Mais oui, l'Italie, la grande absente. Les Américains, qui est quand même une bonne nation de football, qui ont été dépassés par le Panama à CONCACAF, c'est la grande surprise aussi. Je te ramène avec les Pays-Bas qui ont manqué l'Euro il y a 2 ans, l'Euro 2016, qui sont absents encore en Russie. On sait que les Pays-Bas, ils ont ramené Robben. Robben avait déserté un peu, avait mis sa retraite internationale après la dernière Coupe du Monde au Brésil. Et on l'a ramené. On aurait peut-être dû le ramener dès le départ. Ça aurait peut-être permis aux Pays-Bas de se qualifier. Mais là, ce qu'il faut rappeler, quand je te parle de l'Italie, des Pays-Bas, ils ont été éliminés par la Suède. C'est une grande surprise. Tu sais, les Suédois ont battu l'Italie en barrage, et dans leur groupe avant, ils avaient terminé en haut des Pays-Bas, donc ça a éliminé ces deux grosses nations-là. C'est pas une équipe, une sélection qui devrait remporter la Coupe du Monde, les Suédois, et en plus, sans Zlatan Ibrahimovic, est-ce que Zlatan fera un retour avec la Suède? J'ai hâte de voir. Et le Chili, Dani, comme tu as mentionné, c'est une grande déception. Ils ont remporté 2 Copa América. Alors, il y avait une grande nation, mais les qualifications en Amérique du Sud tellement serrées, Dani. Ils n'ont pas réussi à se qualifier. Ça s'est passé lors des derniers matchs, là, et on va se rappeler l'Argentine contre l'Équateur, alors que l'Argentine se devait de l'emporter. L'Équateur a pris les devants 1-0 dans ce match-là, et Messi s'est relevé. Il a marqué 3 buts. J'ai hâte de voir Messi probablement sa dernière Coupe du Monde. Oui. Et côté Afrique, Dani, le Cameroun avait gagné la dernière CAN. Alors, on aurait dû les voir là. Ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas eu une belle qualification. Et du côté de la Côte d'Ivoire, la même chose aussi. Donc, et en passant, Benoît Lavoie d'Espoir Soccer qui sera dans les quarts de la finale. Ben oui, ben bon. Graciosité d'Étienne Radio Sport, d'ailleurs, quand on a tellement rendu de budget qu'on envoie nos experts là-bas en Europe. L'Impact est éliminé des séries de la Coupe RLS. Ils n'ont pas fait les séries cette année, 9e dans l'Est, et ça a amené au congédiement de Mauro Biello. Oui, bien, écoute, comme on a parlé en début de chronique, en début de bilan, Dani, on a dit début de saison difficile pour l'Impact de Montréal. On a voulu garder les anciens joueurs, tous les vétérans qui étaient là. On n'a pas amené d'autres. Il y a eu quelques changements, surtout en défensive. Après, la blessure d'Ambroise Géongo a fait beaucoup mal, je pense, à l'Impact aussi, quand il est allé jouer avec l'équipe du Cameroun, justement dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Probablement que ça a fait mal à son équipe nationale aussi. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Russie. Alors, moi, je te ramène maintenant. L'Impact a terminé 9e dans l'Est. La fin de saison a été difficile. De ne pas voir l'Impact en série de l'Est, c'est un petit peu plate. Mais là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé au congédiement de Mauro Biello. Ce qui a été intéressant malgré ça, c'est que on va se rappeler du dernier match du probablement le meilleur joueur québécois de l'histoire, Patrice Bernier, ouais, qui a marqué lors de son dernier match. Moi, j'y étais avec, on était là avec 50 jeunes de notre option soccer. On a monté, on a fait un voyage spécial pour ce match-là, même si le match ne voulait rien dire. Mais il voulait dire de quoi par rapport à Patrice Bernier, qui terminait sa carrière. Ça s'est bien fini parce qu'il a marqué, mais mal parce qu'il n'a pas amené son club en série Coupe MLS. Donc, le meilleur est à venir pour l'Impact. On a vu les changements qu'est-ce qui est arrivé quelques jours après avec l'annonce du nouvel entraîneur Rémi Garde, qui s'en vient avec un nouveau staff de coach. Mm-hmm. J'ai hâte de voir quel Français va beaucoup, d'après moi, il va avoir beaucoup à voir de Français lors de la prochaine saison, mais il va falloir qu'on les annonce. Alors, c'est parce que là, le mercato hivernal est pas mal commencé, là, puis c'est pas, tu sais, t'as un mois du camp d'entraînement, là. Aussi, donc, Toronto qui bat un record de points en MLS, 69, c'était vraiment, ça a amené évidemment à la conquête contre Seattle, une victoire de 2-0. Ils ont pris vraiment leur revanche sur Seattle. Oui, le FC Toronto, oui, il faut les féliciter, Danny, très grande saison. Ouais. Ils ont mis du budget depuis 2-3 ans, ils ont mis de l'argent sur la table. Quand tu dis que les trois gros noms, Jovinko, Bradley et Altidor, qui gagnent 6 ou 7 millions par année, il n'y a pas de club en MLS qui gagne ça. Donc, les autres, ils ont ouvert la cagnotte. Maintenant, il y a d'autres façons de voir en MLS et c'est pas nécessairement de cette façon-là que de certains clubs voient ça. D'ailleurs, Seattle, c'est pas de cette façon-là qu'on voit ça nécessairement. Il y a bien des clubs en MLS qui vont avec leur formation, avec leur équipe école, avec leur académie. Mm. L'Impact, maintenant, ça dépend des marchés. Hein? Ouais. Ont besoin de gros noms pour remplir le stade. Il y a deux visions, il y a deux façons de voir ça. Moi, j'ai hâte de voir l'Impact, de quelle façon qu'on va amener la saison 2018. Mais maintenant, pour te ramener le FC Toronto, donc champion de la saison avec un record de points, gagnant de la Coupe MLS, premier champion du Canada quand même, pour le mentionner. Et bien entendu, leur troisième titre de gagner la Ligue le championnat Amway canadien. J'ai hâte de voir le FC Toronto en Ligue des champions CONCACAF. J'ai l'impression qu'on mise gros dans ce championnat-là l'année prochaine. Mm. Ils vont être intéressants à suivre en Ligue des champions CONCACAF au mois de mars-avril prochain. J'ai hâte de voir ça, Danny. OK. Tirage au sort de la Russie, ça s'est fait début décembre. C'est le 1er décembre pour la Russie 2018. Tirage au sort, on a parlé des équipes qui ne participaient pas, qui n'allaient pas y être. Mm. Et il faut mentionner, Danny, que il manque des équipes. On n'a pas nécessairement le groupe de la mort a été difficile. Non, il n'a pas vraiment. On n'a pas réussi vraiment à avoir, trois gros clubs dans le même groupe. Si on fait un tour de table rapide dans le groupe A, ben, l'équipe A de la Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Moi, je vois la Russie, l'Uruguay sortir. Dans le groupe B, tu as le Portugal et l'Espagne. On va avoir dès les premiers jours de la Coupe du Monde, on va avoir un super rendez-vous. Et je crois que c'est le premier match du groupe B. Moi, je pense que l'Espagne et Portugal devraient être très forts dans le groupe B. Le Maroc, on parle de l'Iran qui pourrait être surprenant. Ouais. J'ai hâte de voir. On connaît moins ce club-là, cette nation-là, mais j'ai hâte de voir. C'est moins médiatisé, mais quand même. Le groupe C, bien, la France a eu un beau groupe, mais faut toujours faire attention. Hein. Même si tu sembles avoir un groupe facile, Moi, je pense que la France est une des grandes nations qui devrait faire, après l'Euro qu'on a vu... Il y a beaucoup de jeunes, hein? Oui, l'équipe jeune est en devenir. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la France, c'est leur chimie. Ça a toujours été ça, le problème de la France, c'est la chimie. De trouver le bon 11 partant. Ouais. Est-ce que Deschamps va ramener Benzema? Ça fait 2 ans qu'on dit Benzema. Deschamps a l'air à dire non. J'ai pris un film d'Annie sur Internet, là, le cas Benzema. On a l'air d'avoir fait une promotion pour essayer de le ramener à l'équipe de France, mais ça semble pas évident. J'ai hâte de voir, mais dans le groupe C, la France devrait être un bon candidat pour sortir là. Dans le groupe D, t'as l'Argentine avec l'Islande, ça va être intéressant, ça. On a parlé du Panama tantôt, mais l'Islande, qui ont fait un beau parcours en Euro, j'ai hâte de voir dans le groupe D, là, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria, ça devrait être intéressant. L'Argentine a démontré des faiblesses dans leur qualification en Amérique du Sud. J'ai hâte de voir l'entraîneur Sampaio, quels seront ses joueurs, là. Comment est-ce qu'on va arriver la chimie avec Messi? C'est ça que ça prend à Messi, ça prend de bons joueurs alentour, parce qu'on veut ou veut pas, ça va être probablement la dernière coupe de Messi. C'est dans le groupe D, ça devrait être intéressant. Dans le groupe E, ben, Brésil, une grosse année de Coupe du Monde, d'après moi, le Brésil avec Neymar, ils vont être tannants et dangereux. Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie, moi je dirais Brésil-Suisse, à voir aussi. Dans le groupe F, Allemagne, Mexico, Suède, Corée, je pense que l'Allemagne et le Mexique, mais attention aux Suédois, est-ce que Zlatan fera un retour en équipe nationale? Ils se sont classés sans Zlatan en éliminant l'Italie et les Pays-Bas, donc j'ai hâte de voir ça, cette suite-là, mais les Allemands encore seront toujours, d'après moi, dans le corridor. On a vu avec la victoire de la Coupe des Confédérations avec l'équipe B d'Ani. Donc, le sélectionneur, Joachim Löw, devra faire une sélection quand même pas évidente. Il y a beaucoup de bons joueurs sous sa liste. La liste est assez longue. Dans le groupe G d'Ani, Belgique, Panama. J'ai hâte de voir le Panama, c'est la première Coupe du Monde. La Belgique avec Laurent Simon, on en a parlé tantôt. Tunisie et Angleterre. Attention, l'Angleterre ont une bonne sélection. Ça va être intéressant dans le groupe G. Moi, je mettrais Belgique et Angleterre, les deux gagnants de ce groupe-là. Et l'avant-dernier groupe, dans le groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie, Japon. Je pense que la Pologne et la Colombie devraient s'en sortir. La Pologne avec Lewandowski, ça devrait être très intéressant. Du côté colombien, on a le jeune James, qui est rendu de le Bayern de Munich, qui a de la misère à s'en sortir. Il a été transféré du Real Madrid au Bayern. Il ne s'est pas relevé depuis la dernière Coupe du Monde au Brésil. Et dans le dernier groupe, on vient de le faire, la Pologne. Donc, j'ai hâte de voir, Danny, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses en Russie. Real Madrid, 6e titre à la Coupe du Monde des clubs. Real Madrid, on l'a mentionné, le club de l'année 2017. Ouais. Moi, je t'avais en 2016, avec notre voyage, un voyage culture foot, je suis allé voir Barcelone et Messi. Et là, en avril prochain, on va aller voir le Real Madrid et Ronaldo. Oui, le club est en difficulté parce qu'ils ont perdu le Classico. Ils ont perdu le Classico samedi dernier à Madrid en plus, avec Messi qui a encore fait des siennes. Il est en difficulté un peu, sont en 3e position de leur championnat, mais écoute, quand tu gagnes tout, et puis tu gagnes tout, c'est sûr que... Mais la critique est facile, hein? J'écoutais les fans en sortie du stade, du Classico, qui disaient ça marchait plus avec Zidane. Écoute, ils ont tout gagné l'année passée. Je veux dire, c'est dur, hein? Tu peux pas toujours être en haut, quand t'as des clubs comme Barcelone et l'Atlético et Valence qui poussent par derrière. Mais j'ai hâte de voir la suite. Mais nous, on va être là au mois d'avril pour voir le Real. OK. Le Ballon d'Or 2017, Ronaldo, 5e titre de Ballon d'Or devant Messi et Neymar. Cristiano Ronaldo, égale avec Messi. Ils ont maintenant chacun deux Ballons d'Or. Est-ce qu'un de ces deux joueurs-là ira chercher un 6e Ballon d'Or? Tout va dépendre de la Coupe du Monde. Ou est-ce que Neymar, avec le Brésil, réussira à se faufiler? Dans une année non Coupe du Monde, ou non Euro, ou non Coupe nationale, c'est vraiment les titres de championnat, les titres de Ligue des champions qui permettent de savoir qui va remporter le Ballon d'Or. Là, c'est le Real Madrid qui a gagné le titre en Espagne, qui a la Ligue des champions, qui a la Coupe du Monde des clubs. Alors, c'est Ronaldo qui a remporté son 5e Ballon d'Or. Mais là, cette année, ça va être intéressant de voir ça. Alors, qui de ces trois joueurs-là, Ronaldo, Messi et Neymar, est-ce que la France, il y aura un joueur qui se démarquera lors de la Russie 2018? Est-ce que Griezmann pourrait se relever un peu? Est-ce que Est-ce que Benzema pourrait faire un retour? Il semble dire que Deschamps ne veut pas l'avoir. J'ai hâte de voir le Ballon d'Or 2018. Ça va être très intéressant selon la Coupe du Monde qu'on va voir cet été. OK. Et la nouvelle de l'année chez l'Impact, selon moi, c'est Laurent Simon. Laurent Simon qui a été échangé. On ne l'avait pas vu venir. Et ça, sur les médias sociaux, écoute, ça a été... C'était vraiment une déception pour les amateurs de l'Impact. Échangé au FC de Los Angeles, la nouvelle équipe. Oui, Laurent Simon, on ne l'a pas vu venir. Mais ce qu'on voit venir, par contre, Danny, c'est que le nouvel entraîneur, Rémi Garde, on l'a laissé avec l'échange. On lui a laissé parler. Joe Saputo n'a pas parlé. On ne l'a pas vu parler. Adam Braz n'a presque pas parlé là-dessus. Maintenant, on a dit qu'on ne le voyait pas dans les plans futurs du club. Ou peut-être au niveau terrain, c'est vrai que Laurent Simon n'avait pas connu sa meilleure saison l'année dernière, mais il faut se rappeler qu'il est encore probablement il sera sélectionné dans la liste des 23 pour la Belgique. Et la Belgique est quand même cotée dans les cinq grandes nations du football présentement dans le classement FIFA. Moi, j'ai l'impression, où ce que ça fait mal un peu, c'est le respect envers lui. C'est la façon que ça se passe encore. Le départ de Laurent Simon, c'est encore une bourde un peu du club au niveau administratif. Ben ouais. La façon qu'il est arrivé à Montréal, c'est lui qui a choisi le club, mais c'est pas l'Impact qui est allé le chercher. Et ça se termine un peu bizarrement, un peu comme Drogba, ça s'est fait aussi. Le mot va peut-être se lancer. J'ai hâte de voir si Rémi Garde va être capable d'attirer. J'ai l'impression que Rémi Garde n'ira pas chercher de gros noms avec le club montréalais, mais plutôt aller chercher de bons joueurs à la bonne position. Est-ce que dans les buts, on va amener un nouveau joueur à la place du gardien? On a amené déjà un gardien. Est-ce qu'il sera deuxième ou troisième gardien? Est-ce que Maxime Tissot reviendra l'an prochain comme deuxième gardien? Evan Bush, j'ai hâte de voir est-ce que sera reconfirmé comme gardien numéro un avec Joël Bartz comme entraîneur chef des gardiens. J'ai hâte de voir tout ça, mais oui, une grande déception de voir Laurent Simon partir, parce que oui, il était un bon général qu'on l'appelait. Moi, je le voyais peut-être même comme capitaine de l'Impact. Je me demande même qui devra être capitaine de l'Impact à ce moment-là. Si Bush reste dans les buts, ça pourrait devenir le capitaine, mais encore là, il ne dit pas un mot français. Pas sûr. Un francophone. Pas sûr non plus. Moi, c'est Simon que je voyais comme capitaine. Oui, il faisait des erreurs, mais est-ce qu'il était bien entouré aussi? C'est une grande question, comme défenseur central. On n'avait pas nécessairement trouvé le bon joueur avec lui comme défenseur central, mais oui, forcé d'admettre, Danny, que dans le jeu, il a fait des erreurs à des moments, peut-être, à des moments importants dans certains matchs. C'est peut-être pour ça que je crois que Rémi Garde a pris une décision avec le staff de coach de ne pas le ramener avec l'Impact cette année. Mais j'ai bien hâte de voir en janvier-février quel joueur qui sera annoncé avec l'Impact. Donc, quel cadeau que l'Impact fera aux fans montréalais. OK. Et Nashville qui s'en vient, qui sera la 23e équipe. On devait annoncer ça au mois de décembre, mais finalement, on va attendre après les fêtes pour l'autre équipe. Mais Nashville fera partie de la MLS, possiblement en 2020. Oui, on a parlé de la NHL l'an prochain. Il y a le FC Los Angeles qui s'en vient dans la MLS l'an prochain. Ouais. J'ai hâte de voir, justement, avec Simon, à voir la saison de l'Impact. On a hâte de voir les annonces, puisque là, c'est vraiment... Je pense qu'il fallait passer par là, je crois, la restructuration de l'équipe, avec le départ de Bernier en retraite, Camara qui s'en va, Simon qui est parti aussi. Un gros, gros, gros remue-ménage, Danny, de l'Impact de Montréal. Et là, ben, on a encore nos Québécois qui seront là, Jackson Hamel et Piet. Je pense que c'est important. Est-ce que Rémi Garde réussira à trouver en Balou les bonnes qualités pour l'amener à exploser au niveau du club et connaître de bonnes performances? Faut pas oublier non plus le départ d'Amboise et Yongo qui a eu une grande blessure. Selon moi, a été un gros coup pour l'Impact cette année. Et puis, à voir. J'ai hâte de voir les joueurs qui m'ont été annoncés. Je l'ai dit, je le redis. Et je crois que les gens ont hâte de voir c'est quoi le futur du club. Okay. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, un gros, gros, gros merci. Ça fait fort agréable. C'est un bilan complet, fort complet. Il y a du travail là-dedans. On se reparle dès 2018, dès la première semaine de la saison 2018. Yes, merci, Danny. Puis on fera un petit tour de table à savoir les perspectives de 2018 sur la planète foot, tant au niveau international, MLS, l'Impact et au niveau soccer régional, bien entendu, à quand le futur stade à la ville, le dôme de soccer à Ville-Saguenay. On va attendre des nouvelles de notre ami et collègue un peu Michel Tifo. Ouais. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.